Martin TZ 91 Tarteret gros. Pour ceux qui crèvent, tu connais, on est hâte. Si. Pour la rue, on est hâte. Je m'en laisse plus à calculer le temps qui passe. Car que je le compte ou pas, il passera sans moi. Je m'amuse plus, rare quand je ricale. On est devant un jerrycan en flamme. Chaque chose résume à serrer la main d'un autre. Si à la piste, bonjour, au revoir, yaourt et nature et n'a pas d'arôme. Chaque jour on marche parce qu'il le faut, parce que sinon tu crèves. Un bouquet de ronces en guise de rose. On se demande toujours de quoi sera fait demain. Quelle couleur quittera nos jours, mais y'a que le rouge qui a l'air de vin. Médite sur cette phrase de 3-4 fois et plus si besoin est. À tes mots, je suis cette espèce que seule la rage peut soigner. Peut libérer l'histoire de quelques instants. La flamme brûle plus que jamais quand on sait que le chétan des dèles nous attend. Le paradis d'une luxure qu'on a du mal à se proposer. Ici, l'âme s'entretue une fois mort, ce sera qu'il voudra pas se reposer. Regarde les gens, nos yeux sont vides, gros. On voit ce qu'on veut voir tant qu'on a cheveux charclos devant son bistrot. C'est triste à dire, mais je pense qu'on va tous mal finir. Le tout est bien qui finit bien. J'ai pas mis le crapin, je suis pas un alpiniste. On se plaint, le vent souffle moins souvent que l'homme. On se plaint, moi le premier, mais je te le jure, je rêve plus quand je dors. Devant nos têtes, devant ces appartements qui brillent, j'ai jamais demandé ce qu'est-ce d'être. Donnerait pour une brosse à dents, un dentifrice. Je peux te parier que je sacrifierais au moins une de ses dents. De préférence, une carré, quoi. Tu collerais? Avoue que c'est tendre. Des égoïstes, c'est ce qu'on est, c'est simple, tu sais. Ah non, c'est vrai, tu sais pas, laisse tomber, je suis pas d'humeur. On réagit qu'au moment où sans venir danger. Une fois dans la merde, on prie Dieu. La faute à qui si tu trembles, mec? La faute à l'autre, sans jeter nos erreurs, on sait le faire. Autant que jeter la première pierre, autant que donner ses fesses. Des moments frais alors qu'il est pourquoi. L'amour se meurt, Cupidon a préféré troquer son art contre un bouche-car. Comme beaucoup il a mal interprété, le savoir est une arme. Car l'arme n'a pas de savoir, juste un 4 ans et une balle. On s'amuse à jouer les gens heureux, les riches ont la poudre au nez. Autant que la poudre aux yeux, même ces types sont malheureux. Et encore plus que nous peut-être, quand t'as tout mais pas d'amour. Le train de la vie des rails où t'amènes sur son rail de 16. A chacun sa façon de vivre, la mienne consiste en survivre. Une haine consistante et une larme en sursis. Demain c'est peut-être le tour d'un d'entre nous. En attendant je te tends la main, le bras aussi restreint jamais te pousse. Pas la prise d'une rafale ou d'un pare-choc. Je fais en sorte de rester fort, le moment venu je serai être un homme. Ma vie d'une pute va pas me dire qu'elle a pas pris aucune aide. Je suis injoignable car je suis toujours loin du bout du tunnel. On m'a dit pisse pas la pêche, nique Paname. Mon voisin est STF dort avec des chaussettes pisse par la fenêtre. Il doit sûrement peser 50 kg qu'il regarde à partir dans ma rétine loge un pyromane. Ce soir sur toi d'un bâtiment sale, pratiquement taille. Je baille fatigué par les chats c'est mon mal. J'ai grandi où, je sais pas, mais je suis sauvage. Gentil ou méchant, j'aime bien écrire au cas. Et merde, ce soir pour manger je me démerde. Tes mains veulent tes raids, pas qu'on m'attend pas, j'en cache des pètes. J'ai envie de chialer, mais mon moment je compte mes sous. Mais je suis un homme, donc mes soucis font que je parle avec les mains plus souvent que les sourds. Je sais, mamie, demain va peut-être être à la rue. Que ferais-tu si t'aurais 6 ans, vivais à la dure? Je suis là à voir mon rap vieillir, je suis là à peur de périr. Je suis là à peur des bigs, minable, le cœur en fébrile. 21 piges, bientôt 22-22. T'imagines les mains de quoi, j'ai entendu les 22-22. Parce que mes rêves font des cauchemars, je dors un œil ouvert. Surveille mes arrières, H24 encore plus après une bonne nouvelle. Je suis un mec éternellement triste, peu d'espoir. Michetonneuse, tu gratteras plus avec un panko qu'avec moi. Très très bizarre, les profs sont le premier à me l'avoir dit. Ça part en couille comme si j'étais né le soir, le premier du mois, un samedi. Combien de jours, combien de nuits, je pense à risquer ma vie. À faire comme papa, prendre un calibre, éviter la Brinks. Nick ses PD, volaille, baiser vos races. Trop pas péter, j'combat, j'veux pas couper des tomates. Nabil, toi même, tu sais comment on a souffert. Y'a que toi qui sais comment c'est d'être, mais récupérable dans la poubelle. J'ai trop mal quand j'revois foutu mes anciens Lacoste. Trop mal en face de course comme le temps qu'a duré ma cote. J'ai sûrement bientôt arrêté de rapper. Et j'en aime pas le rap, le vrai. Bientôt j'irai maqueter ma R. Putain, j'suis vraiment seul à cette heure, c'est tout le monde fort. La lune me montre son cul, j'aimerais bien quitter tout mon corps. A démon, pardonnez-moi si je suis foutu. Si je vais à l'envers, mes plaies restent ouvertes. Car des couteaux me pratiquent la couture. Je suis comme un pit dans la tête. Une muselière, un collier de rancœur. Un mauvais coup dans la tête. Si tu me vois de loin, t'étonnes pas. Si moi, je ne vois pas. Ma vie n'est pas nette, j'ai la rétine dans un hamac. Je te jure, je te jure. Je te jure.